Moi la haine n'est jamais gratuite, rebeu. Y'a des fous de partout, mais toi, tu finiras comme Lucas Brasi. Laissez-moi brasser, bande de bâtards. Des armes du matos dans le moteur du matal. Y'a des traces de gros sur ma table. Camisole, je m'isole, j'ai peur de ma dalle. Yo, wow, casse de verre, belle de femme, champagne. J'suis dans la musique et tu me fais péter. Ça fera plus d'impact que les hommes pas. Les hommes pas, la rue me porte, ça m'étonne pas. Je me fais péter, même si je prends des billes, j'passe sur la vie de ma mère que je te donne pas. Wow, c'est mon ça la vie. L'oseille, les palaces, les mitards, les égouts. Les calages, les bracos, les écoutes. Aura du bif à qui veut porter ses couilles. Porter ses couilles, péter la vie. Dans ce monde, dis-moi qui adore. Ta vie dure pour mille par mois. Je préfère taffer la pire du rap d'homme. Trois bandes, trouver des assises. Rappel, y'a que les anges qui m'accueillent. Sur la vie de ma mère que je te tire dessus. Je te mettrai pas de côté si bien dans ta gueule. Refrain, je ne m'invente pas de vie. Je viens d'une F4 et pas de mes déguis. Toi t'allais en cours, moi je baisais tout. Si la F me dit, si je ramenais des litres. Ramenais des litres, des pures. Coussin 81 grammes. Avec une mitraillette posée dans ma cave. Allez dire à la stupe que c'est ça un grave. Ceux qui parlent mal, coussin je les sentis. Je m'embrouille pas pour de la merde. Dans mes sons j'ai jamais menti. Ce soir je m'endors au bord de la mer. Je suis pas lafré par la vie. Ce qui te raconte celui-là n'écoute pas. J'arrive côté droit par la vitre. Tu passeras le bonjour à Tobac, bonjour à Tobac, gloire à Tobac. Je te tiens dessus, je te rate pas, je te rate pas. Je t'allume le papalam, je pars de Belgique et je dors à Dubaï. Nique sa mère, où est-ce qu'elle est fa? C'est pas mon père, il me donne pas de pif. Je te répète, moi j'ai 28 ans. Si je m'embrouille, je mettrai pas de chiffres. Là je repense aux petites et grosses peines qui patientent en cellule au tarmic. Je dédicacerai jamais les grosses merdes. On devrait même le fumer par mille. J'ai enfin adrénaline. Un des classes tubes, voilà qui y a. Beaucoup faire des barrages, vouloir du bif. Mais t'en pas de santé jusqu'à mardi, ya. Si t'es une grâce de ta ou d'IA. Toi disant t'as peur de l'enfer. Mais je sais que tu sors au matin, tu parles au diable. Toi pour trouver des astuces, Robert. Y'a que les anges qui m'accueillent. Sur la vie de ma mère quand je te tire dessus. Je te mettrai pas de côté si bien dans ta gueule. Refrain, je ne m'invente pas de vie. Je viens d'une F4 et pas de mes déguis. Toi t'allais en cours, moi je baisais tout. Si la F me dit, si je ramenais des litres. Ramenais des litres, de pur. Coussin 81 grammes. Avec une mitraillette posée dans ma cave. Allez dire à la stupe que c'est ça le grave. Ceux qui parlent mal, coussin je les sentis. Je m'embrouille pas pour de la merde. Dans mes sons j'ai jamais menti. Ce soir je m'endors au bord de la mer. Toi pour trouver des astuces, Robert. Y'a que les anges qui m'accueillent. Sur la vie de ma mère que je te tire dessus. Je te mettrai pas de côté si bien dans ta gueule. Refrain, je ne m'invente pas de vie. Je viens d'une F4 et pas de mes déguis. Toi t'allais en cours, moi je baisais tout. Si la F me dit, si je ramenais des litres. Ramenais des litres, de pur. Coussin 81 grammes. Avec une mitraillette posée dans ma cave. Allez dire à la stupe que c'est.